Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le 12 juillet 1922, dans une lettre à son ami Max Brod, Kafka écrit: je cours en tous sens, ou bien je reste assis, changé en pierre, comme devrait le faire un animal désespéré dans son terrier. 2 ans et demi plus tard, à la fin de l'année 1923, alors qu'il vit à Berlin avec Dora Diemant, il écrit un récit en forme de long monologue dont le narrateur est un animal, jamais précisément décrit, qui raconte de quelle façon il a construit et agencé son terrier, refuge qui se révèle peu à peu menaçant. Demeuré inachevé et publié à titre posthume, c'est l'un des derniers écrits de Kafka, qui meurt 6 mois plus tard, en juin 1924. En 2007, en écho à une exposition intitulée « Bêtes et hommes » présentée à la Grande Halle de la Villette, le comédien Denis Lavant en proposait une lecture enregistrée en public et diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 2007. Des voix et des plumes. Le terrier, de Franz Kafka. Traduit de l'allemand par Dominique Mirmont. Lu par Denis Lavant. Une réalisation de Michel Sidorov. Si j'avais réalisé le terrier uniquement pour ma sécurité, je n'aurais certes pas été berné. Mais le rapport entre le gigantesque travail accompli et la sécurité effective qu'il m'offre, dans la mesure tout de moins où je suis capable de la ressentir et d'en profiter, ne serait pas avantageux pour moi. Il est très douloureux de s'avouer une telle chose, mais il le faut bien face à cette entrée là-bas qui se ferme, qui se crispe même littéralement devant moi qui en suis pourtant le constructeur et le propriétaire. Toutefois, le terrier n'est pas seulement un trou où l'on puisse se réfugier. Car je suis dans la place forte, entouré de mes amoncellements de viande, le visage tourné vers les 10 galeries qui en partent et dont chacune, conformément au plan d'ensemble, s'enfonce ou monte, s'étire ou s'arrondit, s'élargit ou se rétrécit, quand je vois qu'elles sont toutes aussi silencieuses et désertes, et que chacune à sa façon est prête à me conduire aux nombreux ronds-points également silencieux et déserts. Alors je suis loin de penser à la sécurité. Et je sais parfaitement que c'est là ma forteresse que j'ai conquise au sol rebelle à force de gratter, de mordre, de damer, de tasser. Ma forteresse qui ne peut en aucune façon appartenir à un autre et qui est tellement mienne que je puis finalement y recevoir en paix la blessure mortelle de l'ennemi. Car mon sang s'écoulera dans mon sol et ne sera pas perdu. N'est-ce pas là le sens des heures heureuses que je passe dans mes galeries, soit paisiblement endormi, soit joyeusement éveillé, dans ces galeries faites exactement à mes mesures, pour que je puisse m'y étendre à mon aise, m'y rouler comme un enfant, y rêver, m'y éteindre dans la félicité, et les petits ronds-points dont chacun m'est familier et que, malgré leur parfaite ressemblance, je peux reconnaître les yeux fermés à la seule inclinaison de leurs parois. Ils m'entourent de leur paisible chaleur comme aucun nid ne saurait entourer un oiseau. Et tout, tout est silencieux et désert. « mais s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que j'hésite? Pourquoi est-ce que je crains davantage l'intrus que l'éventualité de ne jamais revoir mon terrier? Eh bien, cette dernière hypothèse est heureusement une impossibilité. Je n'ai pas besoin de raisonnement pour savoir parfaitement ce que le terrier signifie pour moi. Le terrier et moi, nous sommes tellement faits l'un pour l'autre que je pourrais m'installer ici en toute quiétude, malgré ma peur. En dépit de mes réticences, je n'aurais même pas besoin de faire un effort sur moi-même pour ouvrir l'entrée. Il suffirait que j'attende sans rien faire, car rien ne peut à long terme nous séparer, et il est absolument certain que je finirai par redescendre d'une façon ou d'une autre. Mais évidemment, combien de temps peut s'écouler d'ici là, et que de choses peuvent se produire dans l'intervalle, aussi bien ici qu'en bas? Il ne tient qu'à moi de le réduire et de faire immédiatement le nécessaire. Alors, déjà trop fatigué pour réfléchir, la tête pendante, les jambes mal assurées, à moitié endormi, tâtonnant plus que marchant, je m'approche de l'entrée, soulève lentement la mousse, descends lentement, laisse par étourderie l'entrée ouverte plus longtemps qu'il ne faudrait, remonte pour la réparer. Mais pourquoi donc remonter? Je n'ai que le couvercle de mousse à rabattre. Bon, alors je redescends et le ferme, enfin. C'est seulement et exclusivement dans cet état que je puis accomplir cette action. Me voilà donc maintenant sous la mousse, couché sur le butin engrangé, baignant dans le sang et les sucs de toute cette viande, et là je pourrais sombrer dans le sommeil tant attendu. Rien ne me dérange, personne ne m'a suivi. Il semble qu'au-dessus de la mousse, du moins jusqu'à maintenant, tout soit tranquille, et même si ce n'était pas le cas, je crois que je ne pourrais pas m'attarder maintenant à faire des observations. J'ai changé d'endroit. J'ai quitté le monde d'en haut pour rentrer dans mon terrier, et j'en ressens aussitôt les effets. C'est un monde nouveau, qui donne des forces nouvelles, et ce qui est fatigue en haut n'est plus considéré ici comme tel. Je suis revenu de voyage, littéralement mort d'épuisement, mais le fait de revoir ma vieille demeure, les travaux d'aménagement qui m'attendent, la nécessité d'inspecter ne serait-ce que superficiellement toutes les pièces, et surtout d'aller au plus vite jusqu'à la place forte, tout cela transforme ma fatigue en agitation et en enfermement. C'est comme si, au moment même où j'étais entré dans le terrier, j'avais dormi d'un long et profond sommeil. La première tâche à accomplir est très pénible et m'absorbe entièrement. Il s'agit de transporter le butin à travers les étroites et fragiles galeries du labyrinthe. Je pousse vers l'avant de toutes mes forces, avec succès, mais beaucoup trop lentement à mon goût. Pour accélérer, j'arrache un morceau du tas de viande, je me faufile de l'autre côté, je passe au travers. Maintenant, je n'ai plus que ce morceau devant moi, et il est plus facile de le faire avancer. Mais je suis tellement pris dans cette abondance de viande, dans ces étroites galeries où il ne m'est pas toujours facile de me glisser, même quand je suis seul, que je pourrais très bien mourir étouffé dans mes propres provisions. Et parfois, je ne réussis à échapper à leur pression qu'en me mettant à manger et à boire. Mais je viens à bout du transport en un laps de temps assez bref. Le labyrinthe est franchi. Soulagé, je me retrouve dans une vraie galerie. Je pousse le butin à travers un boyau de raccordement jusqu'à un couloir principal particulièrement prévu pour ces cas-là et qui descend en pente raide à la place forte. Maintenant, ce n'est plus un travail pénible. Le butin roule et dévale presque de lui-même jusqu'en bas. Me voilà enfin dans ma place forte. Je vais enfin pouvoir me reposer. Rien n'a changé. Aucun accident grave ne semble s'être produit. Les petits dégâts que je remarque au premier coup d'œil seront vite réparés. Il y a juste à faire d'abord la longue tournée à travers les galeries, mais ce n'est pas un travail. C'est comme bavarder avec des amis, comme je faisais dans l'ancien temps. Je ne suis pas encore bien vieux. Mais beaucoup de choses sont déjà complètement floues dans mon souvenir, comme je le faisais, ou plutôt, comme j'ai entendu dire qu'on a coutume de le faire. Je commence donc par la deuxième galerie en faisant exprès d'aller lentement. Après avoir vu la place forte, j'ai tout mon temps. À l'intérieur du terrier, j'ai toujours tout mon temps, car tout ce que j'y fais est bien et important et me rassasie en quelque sorte. Je commence donc par la deuxième galerie, interromps l'inspection en plein milieu et passe à la troisième galerie qui me ramène à la place forte. Je dois bien sûr reprendre la deuxième galerie et m'amuse ainsi en travaillant. J'accrois ma tâche par jeu et je ris tout seul. Je suis content. Tout ce travail me fait tourner la tête, mais je continue. C'est à cause de vous, galeries et ronds-points, et surtout à cause de toi, place forte, que je suis venu, faisant fi de ma vie, après avoir eu si longtemps la bêtise de trembler pour elle et de retarder mon retour auprès de vous. Que m'importe le danger, maintenant que je suis avec vous. Vous faites partie de moi. Je fais partie de vous. Nous sommes liés. Que peut-il nous arriver? Le peuple peut bien se presser là-haut et le museau se préparer à transpercer la mousse. Le terrier m'accueille maintenant par son silence et par son vide et confirme mes paroles. Mais voici qu'une certaine indolence m'envahit. Et sur un rond-point qui compte parmi mes préférés, je m'enroule un peu sur moi-même. Je suis loin d'avoir tout visité, mais je veux continuer mon inspection jusqu'au bout. Je ne veux pas dormir ici, je cède seulement à la tentation de m'installer ici comme si j'allais dormir. Je veux vérifier si je pourrais y arriver aussi bien qu'autrefois. J'y arrive effectivement. Mais je ne réussis pas à m'arracher de là et reste plongé dans un profond sommeil. J'ai dû dormir très longtemps. C'est seulement à la fin, au moment où le sommeil se dissipait de lui-même, que quelque chose me réveille. Mon sommeil devait être déjà très léger car c'est un chuintement en soi à peine audible qui m'en tire. Je comprends immédiatement. Le petit gibier que j'ai trop peu surveillé et beaucoup trop ménagé a creusé quelque part en mon absence une nouvelle galerie. Celle-ci a débouché sur une autre galerie plus ancienne et c'est l'air qui s'y engouffre qui produit ce sifflement. Quel peuple inlassable et que son activité est gênante! Il faudra que j'ausculte attentivement les parois de mes galeries et que je creuse des tunnels d'exploration pour déterminer d'abord l'endroit d'où vient ce bruit parasite afin de pouvoir ensuite l'éliminer. D'ailleurs, la nouvelle galerie peut, si elle correspond aux données du terrier, m'être fort utile comme nouveau puits d'aération. Mais je vais faire beaucoup plus attention aux petites bêtes qu'avant. Pas une seule ne sera épargnée. Je pourrais très bien ne pas donner suite pour le moment. Ce bruit est certes très gênant, mais son origine étant pour moi quasi certaine, il ne saurait augmenter. Il se peut au contraire aussi... Je n'ai cependant jamais attendu assez longtemps que de tels bruits disparaissent d'eux-mêmes au fil du temps grâce aux petites bêtes qui continuent de creuser. En outre, il arrive souvent que le hasard vous mette sur la piste du bruit parasite alors que des recherches systématiques peuvent longtemps échouer. Je me console ainsi. Et je préférerais continuer de me promener dans mes galeries et visiter mes ronds-points, car il y en a beaucoup que je n'ai pas encore revus, et de temps en temps je voudrais m'ébattre un peu dans la place forte. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que je poursuive mes recherches. Que de temps me coûtent ces petites bêtes. Un temps dont je pourrais faire bien meilleur usage. Dans ces cas-là, c'est habituellement le problème technique qui m'intéresse. En entendant ce bruit, dont mon oreille sait distinguer très précisément toutes les nuances, j'imagine, par exemple, quelle peut en être l'origine. Et il me tarde alors de vérifier si la réalité correspond à mon hypothèse. Non, sans raison, car tant que je n'ai rien de concret, je ne peux pas me sentir en sécurité, même s'il s'agissait seulement de savoir où ira rouler un grain de sable tombant d'un mur. Alors un bruit pareil, ce n'est à cet égard certainement pas une affaire insignifiante. Mais insignifiante ou pas, j'ai beau chercher, je ne trouve rien, ou plutôt je trouve trop de choses. Et il fallait, me dis-je, que cela se produise sur mon rond-point préféré. Je m'éloigne, arrive presque au milieu de la galerie menant au prochain rond-point. Tout cela, à vrai dire, pour m'amuser, comme si je voulais prouver que ce n'est pas seulement mon rond-point préféré qui me vaut ce bruit parasite, mais qu'il y a d'autres bruits ailleurs. Et, un sourire aux lèvres, je me mets à tendre l'oreille. Mais mon sourire n'est que de courte durée, car effectivement, on entend ici le même chuintement. À vrai dire, ce n'est rien. Je pense parfois que personne d'autre que moi ne pourrait l'entendre, mais rendu plus fine par l'habitude, mon ouïe le perçoit de plus en plus nettement, bien que ce soit en réalité partout exactement le même bruit. Comme je peux m'en convaincre en faisant des comparaisons, il n'augmente pas non plus. Je m'en rends compte quand j'écoute au milieu de la galerie sans coller mon oreille au mur. Ce n'est alors qu'au prix d'un énorme effort de concentration que je peux deviner, à défaut de l'entendre vraiment, un bruit infime. Mais c'est justement cette constance du son en tout lieu qui me perturbe le plus, car elle est incompatible avec ma première hypothèse. Si j'avais deviné correctement l'origine du bruit, il aurait dû être émis avec une intensité maximale à un certain endroit qu'il aurait fallu découvrir et diminuer ensuite de plus en plus. Mais si mon explication n'était pas exacte, de quoi s'agissait-il donc? Il était encore possible qu'il y eût deux sources sonores. Jusqu'ici, je n'avais perçu le bruit qu'assez loin de ces deux sources, et quand je me rapprochais de l'une d'elles, son bruit certes augmentait, mais comme le bruit de l'autre diminuait, le résultat final était pour l'oreille à peu près le même. J'ai même été à deux doigts de croire, en écoutant plus attentivement, qu'il y avait des variations dans le son, ce qui corroborait ma nouvelle hypothèse, mais elles étaient à vrai dire très peu nettes. En tout cas, j'ai dû élargir mon champ d'expérimentation beaucoup plus que je ne l'avais fait jusqu'à présent. Je redescends donc la galerie jusqu'à la place forte et je me mets à l'écoute. Bizarre. Encore le même bruit. Bon, il s'agit du bruit que font en creusant je ne sais quelle bête insignifiante ayant commis l'infamie de profiter de mon absence. En tout cas, elles n'ont pas la moindre intention hostile à mon égard. Elles s'occupent seulement de leur besogne, et tant qu'elles ne rencontreront pas d'obstacles, elles continueront dans la direction choisie. Tout cela, je le sais. Et pourtant, je n'arrive pas à comprendre qu'elles aient osé s'avancer jusqu'à la place forte. Cela m'irrite et trouble mes facultés, alors que j'en aurais tant besoin pour mon travail. Je ne veux pas faire ici de distinction. Était-ce la profondeur assez considérable où se trouve la place forte ? Était-ce son étendue et l'important déplacement d'air qui en résulte, qui rebutait les bêtes fouisseuses ? Ou l'information selon laquelle il s'agissait de la place forte était-elle simplement parvenue d'une manière ou d'une autre à leur esprit obtus ? En tout cas, je n'avais jusqu'alors jamais entendu creuser dans les murs de la place forte. Certes, quantité d'animaux y venaient, attirés par la puissance des exhalaisons. J'avais là un terrain de chasse assuré. Mais il s'est effrayé quelque part en haut un passage jusqu'à mes galeries. Et il les descendait ensuite, apeuré certes, mais fortement attiré. Or, voilà qu'il creusait maintenant dans les murs. Si au moins j'avais réalisé les grands projets conçus du temps de ma jeunesse et dans les premières années de l'âge mûr, ou plutôt... si j'avais seulement eu la force de les réaliser, car ce n'est pas la volonté qui me manquait. L'un de mes projets préférés était de détacher la place forte du sol environnant, c'est-à-dire de ne laisser à ses parois qu'une épaisseur correspondant à peu près à ma taille et de créer de l'autre côté, tout autour de la place forte, exception faite d'un petit socle, hélas impossible à isoler du sol, un espace vide, de même dimension que les parois. Je m'étais toujours imaginé, sans doute à juste titre, que cet espace vide serait le lieu de séjour le plus magnifique qui puisse exister pour moi. Se prélasser sur ce dôme, se hisser sur lui pour se laisser glisser jusqu'en bas, faire la pirouette, reprendre pied sur le sol et s'amuser à tous ces jeux sur le corps même de la place forte sans être à l'intérieur. Pouvoir éviter la place forte. Pouvoir se reposer les yeux de sa vue, remettre à plus tard la joie de la revoir sans être forcé de s'en passer, la tenir au contraire, littéralement entre ses griffes, chose impossible si l'on ne peut y accéder que par l'ouverture ordinaire. Et surtout, pouvoir la surveiller, être tellement bien dédommagé de ne pas la voir que si l'on avait à choisir entre rester dans la place forte ou dans l'espace vide, on choisirait certainement ce dernier pour toute la vie afin d'y aller et venir en permanence et de protéger la place forte. Alors, il n'y aurait pas de bruit dans les murs, pas d'insolent fouissement jusqu'à la place forte. La paix y serait garantie et j'en serais le gardien. Je n'aurais pas à écouter avec répugnance les petites bêtes en train de creuser, mais j'entendrais avec ravissement une chose dont je suis complètement privé aujourd'hui. Le murmure du silence dans la place forte. Mais toutes ces belles choses n'existent pas. Et je dois me mettre au travail. Presque heureux qu'il concerne directement la place forte, car cela me donne des ailes. À vrai dire, il est de plus en plus évident que j'ai besoin de toutes mes forces pour accomplir ce travail qui semblait au début tout à fait minime. J'ausculte maintenant les murs de la forteresse, et partout où j'écoute, en haut et en bas, au niveau des murs ou du sol, aux entrées ou à l'intérieur, partout, partout le même bruit. Et que de temps, que d'efforts réclament l'écoute permanente de ce bruit intermittent. On peut, si on le veut, trouver une mince et illusoire consolation en se disant que dans la forteresse, contrairement aux galeries, quand on éloigne son oreille du sol, on n'entend plus rien à cause de l'immensité de l'endroit. Je fais souvent cette expérience, mais seulement pour me reposer, pour réfléchir. J'écoute de toutes mes forces et je suis heureux de ne rien entendre. Mais au reste, que s'est-il donc passé ? Face à ce phénomène, mes premières explications se sont révélées complètement fausses. Mais je dois également rejeter d'autres explications qui se présentent à moi. On pourrait penser que ce que j'entends, ce sont justement ces petites bêtes au travail. Mais cela contredirait tout ce que l'expérience m'a appris. Je ne peux tout de même pas me mettre à entendre soudain un bruit que je n'ai jamais entendu, bien qu'il existât depuis toujours. Ma sensibilité au bruit gênant a peut-être augmenté dans le terrier au fil des ans, mais mon ouïe ne s'est certainement pas affinée. Ce qui caractérise justement le menu gibier, c'est qu'on ne l'entend pas. Sinon, aurais-je jamais pu le supporter. Au risque de mourir de faim, je l'aurais exterminé. Mais peut-être, encore une idée qui s'insinue dans mon esprit, peut-être s'agit-il d'un animal que je ne connais pas encore. Ce serait possible. Certes, j'observe depuis longtemps avec beaucoup d'attention la vie souterraine, mais le monde est d'une grande diversité et les mauvaises surprises ne manquent jamais. D'ailleurs, il ne s'agirait pas d'un animal isolé. Il faudrait que tout un troupeau ait envahi soudain mon territoire. Un énorme troupeau de petits animaux, certes plus gros que le menu fretin, puisqu'on les entend, mais pas beaucoup plus, puisque le bruit qu'ils font en travaillant est très faible. Il pourrait donc s'agir d'animaux inconnus, un troupeau en migration qui ne fait que passer, qui me dérange, mais qui va bientôt cesser de défiler. Je pourrais donc attendre tranquillement, ce qui m'éviterait finalement de faire un travail superflu. Mais si ce sont des animaux inconnus, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à les voir? J'ai déjà beaucoup creusé pour en attraper un, mais je n'en trouve aucun. Il me vient à l'esprit que ce sont peut-être des animaux minuscules, beaucoup plus petits que ceux que je connais et que seul le bruit qu'ils font est plus important. Je me remets donc à examiner la terre que je viens d'extraire. Je lance les mottes en l'air pour qu'elles se pulvérisent en retombant, mais pas la moindre trace des perturbateurs. Je commence à comprendre que ces petits sondages faits au hasard ne peuvent aboutir à rien. Je ne fais ainsi que miner les murs de mon terrier. Je gratte ici et là en toute hâte, mais je n'ai pas le temps de reboucher les trous. En beaucoup d'endroits déjà, il y a des tas de terre qui m'obstruent le passage et la vue. Certes, tout cela ne me gêne qu'accessoirement, car je ne peux en ce moment ni me promener, ni regarder le paysage, ni me reposer. Il m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir un court instant en plein travail dans un trou, une patte fichée au-dessus de moi dans la terre dont je voulais, dans la demi-torpeur qui précède le sommeil, arracher un morceau. Je vais désormais changer de méthode. Je vais construire un véritable tunnel qui ira dans la direction d'où viennent ces bruits. Et je ne m'arrêterai pas de creuser avant d'en avoir trouvé la vraie cause, indépendamment de toute théorie. Ensuite, j'éliminerai cette cause, si c'est en mon pouvoir, mais si c'est impossible, j'aurai au moins une certitude. Cette certitude m'apportera soit la paix, soit le désespoir, mais quoi qu'il arrive, ce sera dans les deux cas indubitable et justifié. Cette décision me fait du bien. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici me semble précipité. Dans l'excitation du retour, pas tout à fait délivré des soucis du monde d'en haut et pas encore entièrement intégré dans la paix du terrier, rendu exagérément sensible du fait d'en avoir été privé si longtemps, j'ai complètement perdu la tête à cause d'un phénomène dont il faut bien reconnaître l'étrangeté. Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Un léger chuintement, seulement audible entre de longues pauses, un rien auquel on pourrait, je ne dirais pas s'habituer, car on ne pourrait pas s'y habituer, mais que l'on pourrait observer quelque temps sans rien entreprendre vraiment contre lui. Par exemple, On pourrait écouter toutes les 2 ou 3 heures et enregistrer patiemment le résultat, alors que moi, je promène mon oreille le long des murs et éventre la terre presque chaque fois que j'entends un bruit, non pas pour trouver quelque chose, mais pour avoir une activité à la mesure de mon inquiétude. J'espère que cela va changer maintenant. Et en même temps, je ne l'espère pas. Comme je dois me l'avouer, les yeux fermés, furieux contre moi-même, car l'inquiétude ne cesse de frémir en moi depuis des heures. Et si le bon sens ne me retenait pas, je me mettrais sans doute à creuser n'importe où, sans me soucier de savoir s'il y a un bruit ou pas, par stupidité, par entêtement, pour le plaisir de creuser, un peu comme le menu gibier qui creuse, soit sans raison, soit parce qu'il se nourrit de terre. Mon nouveau projet, fort raisonnable, me séduit et ne me séduit pas. On ne peut rien lui objecter. Moi, tout du moins, je n'ai aucune objection. Il doit, autant que je puisse en juger, me conduire au but. Et pourtant, je ne lui fais pas confiance. Je lui fais si peu confiance que je ne redoute même pas les effroyables conséquences qu'il pourrait avoir. Je ne crois même pas à des conséquences effroyables. Il me semble, à vrai dire, que j'ai songé à des fouilles systématiques dès la première apparition du bruit. Et c'est uniquement parce que je n'avais pas confiance en ce projet que je n'ai pas encore commencé. Naturellement, je commencerai quand même le tunnel. Je n'ai pas d'autre solution. Mais je ne vais pas m'y mettre tout de suite. Je vais repousser un peu cette besogne. Si la raison doit reprendre le dessus, il faut qu'elle le fasse complètement. Je ne vais donc pas me ruer sur ce travail. En tout cas, je vais d'abord réparer les dégâts que j'ai causés aux terriers en creusant partout. Cela va me prendre beaucoup de temps, mais c'est nécessaire. Si le nouveau tunnel doit vraiment me conduire au but, il sera probablement long, et s'il ne mène à rien, il sera sans fin. De toute façon, ce travail implique une absence assez longue hors du terrier, pas une absence aussi grave que lors de mes séjours dans le monde d'en haut. Je peux interrompre le travail quand je veux, aller faire une visite chez moi. Et même si je ne le fais pas, l'atmosphère de la forteresse parviendra jusqu'à moi et m'enveloppera pendant mon travail. Mais il me faudra tout de même m'éloigner du terrier et m'abandonner à un sort incertain. C'est pourquoi je veux laisser derrière moi un terrier en bon ordre. Il ne faut pas qu'on puisse dire que moi, qui luttais pour la paix du terrier, je l'ai troublé moi-même sans chercher à la rétablir aussitôt. Je commence donc par remettre la terre dans les trous, travail que je connais bien, que j'ai fait un nombre incalculable de fois sans avoir vraiment l'impression de travailler et pour lequel ce n'est certainement pas de la vantardise, c'est simplement la vérité. Je suis insurpassable, surtout en ce qui concerne le damage final et le nivellement. Mais cette fois, j'ai beaucoup de mal. Je suis trop distrait. En plein travail, je n'arrête pas de coller mon oreille au mur pour écouter et je laisse avec indifférence la terre que je viens à peine de soulever dévaler la pente. Quant aux travaux de finition qui exigent une attention plus soutenue, je ne suis guère en mesure de les exécuter. Il reste des bosses fort laides, des fissures gênantes, sans parler des murs tellement rafistolés qu'il est impossible de retrouver leur belle allure d'antan. J'essaie de me consoler en me disant que c'est seulement un travail provisoire. Quand je reviendrai et que la paix sera rétablie, j'améliorerai définitivement les choses. Et tout se fera alors en un clin d'œil. Bien sûr, dans les contes de fées, tout se fait en un clin d'œil. Et cette consolation est tout aussi chimérique. Il vaudrait mieux accomplir dès maintenant un travail parfait. Ce serait beaucoup plus utile que de l'interrompre sans cesse pour aller se promener dans les galeries afin de découvrir de nouveaux endroits d'où l'on perçoit le bruit. Ce qui est vraiment très simple, car il suffit de s'arrêter à n'importe quel endroit et de tendre l'oreille. Et je fais bien d'autres découvertes inutiles. Il me semble parfois que le bruit a cessé. Il fait effectivement de longues pauses. Il peut arriver aussi qu'on n'entende plus le chuintement tant est forte la pulsation du sang dans l'oreille. Alors deux interruptions n'en font plus qu'une et pendant un court instant, on croit que le chuintement s'est arrêté pour toujours. On arrête d'écouter, on saute de joie, la vie est transformée, c'est comme si s'ouvrait la source qui dispense le silence du terrier. On se garde de vérifier immédiatement cette découverte. On cherche d'abord quelqu'un à qui la confier avant de la remettre en doute. On galope jusqu'à la forteresse. On se souvient, toute votre personne s'étant éveillée à une nouvelle vie, que l'on n'a rien mangé depuis longtemps. On arrache n'importe quoi au tas de provisions à moitié ensevelies sous la terre. Et tout en avalant la nourriture, on retourne en courant sur les lieux de l'incroyable découverte. On veut tout d'abord, accessoirement, rapidement et en continuant de manger, se convaincre encore une fois de la chose, on tend l'oreille. Mais l'écoute la plus superficielle révèle immédiatement que l'on s'est honteusement trompé. Imperturbable, le chuintement continue au loin. Alors on recrache la nourriture, on voudrait la piétiner pour la faire disparaître dans la terre et on retourne à son travail, on ne sait même plus lequel. Là où cela semble nécessaire, et ce ne sont pas les endroits qui manquent, on se met machinalement à faire quelque chose, comme si le surveillant était arrivé et qu'il fallait lui jouer la comédie. Mais il peut arriver, à peine a-t-on recommencé à travailler, qu'on fasse une nouvelle découverte. Le bruit semble être devenu plus fort, pas beaucoup plus fort, naturellement. Il ne s'agit jamais que d'infimes différences, mais quand même un peu plus fort et nettement perceptible à l'oreille. Et cette augmentation du bruit semble correspondre à un rapprochement. On voit littéralement l'allure à laquelle il se rapproche, et ce beaucoup plus nettement qu'on ne l'entend augmenter. D'un bond, on s'écarte du mur. On essaie d'embrasser d'un seul coup d'œil toutes les conséquences de cette découverte. On a le sentiment de n'avoir certes jamais organisé le terrier pour se défendre contre une attaque. On en avait l'intention, mais au mépris de l'expérience, on a cru le risque d'une attaque et par conséquent la nécessité de se défendre fort lointain. Non, pas lointain, comment serait-ce possible, mais beaucoup moins urgent que les aménagements pour une vie paisible auxquels on a donc donné la priorité dans tout le terrier. On aurait pu, à cet égard, aménager beaucoup de choses sans bouleverser le plan de base, mais d'une façon incompréhensible, rien n'a été fait. J'ai eu beaucoup de chance pendant toutes ces années. La chance m'a trop gâté. J'étais inquiet, mais quand on nage en plein bonheur, l'inquiétude ne mène à rien. Ce qu'il faudrait commencer par faire, c'est inspecter le terrier en étudiant précisément toutes ses capacités défensives imaginables, élaborer un plan de défense et un projet de construction adapté et commencer tout de suite les travaux avec une ardeur de jeune homme. Ce serait indispensable. Il est, soit dit en passant, beaucoup trop tard, naturellement, mais ce serait vraiment nécessaire au lieu de creuser je ne sais quel tunnel d'exploration qui n'en fait pour but que de me vouer de toutes mes forces et sans défense à la recherche du danger, dans la crainte insensée qu'il pourrait ne pas arriver assez vite de lui-même. Tout d'un coup, je ne comprends plus mon ancien plan. Alors qu'il me semblait autrefois judicieux, je ne lui trouve plus maintenant le moindre bon sens. J'arrête à nouveau mon travail, j'arrête aussi d'écouter. Je n'ai plus envie de découvrir d'autres bruits plus intenses, j'en ai assez des découvertes, j'arrête tout. Je serais déjà bien content si je pouvais apaiser mes conflits intérieurs. De nouveau, je laisse mes galeries m'entraîner au loin. Je me retrouve dans des couloirs de plus en plus éloignés que je n'ai pas encore vus depuis mon retour, dans des endroits que mes pattes fouisseuses ont laissés absolument intacts, dont le silence s'éveille à ma venue et se penche sur moi. Je ne m'y abandonne pas. Je traverse ces lieux à la hâte. Je ne sais plus du tout ce que je cherche, sans doute à gagner du temps. Je m'égare si loin que j'arrive au labyrinthe. Je suis tenté d'écouter à la trappe de mousse. Des choses lointaines, lointaine pour l'instant, suscite mon intérêt. J'avance jusqu'en haut et prête l'oreille. Silence total. Comme c'est beau ici. Personne ne s'occupe de mon terrier. Chacun vague à ses occupations qui n'ont aucun rapport avec moi. Comment ai-je fait pour parvenir à ce résultat? Cet endroit près de la couche de mousse est peut-être maintenant le seul de mon terrier où je peux tendre l'oreille pendant des heures sans rien entendre. Renversement complet de situation dans le terrier. Jusqu'ici, lieu de danger, il est devenu un lieu de paix. Mais la forteresse, elle, a été entraînée dans le fracas du monde et de ses dangers, plus graves encore. En réalité, même ici, la paix n'existe pas. Rien n'a changé. Silence ou fracas, le danger est à l'affût au-dessus de la mousse. Mais j'y suis devenu insensible. Car le chuintement de mes murs m'accapare trop. M'accapare-t-il vraiment? Il augmente. Il se rapproche. Mais moi, je me faufile à travers le labyrinthe et m'installe en haut sous la mousse. C'est un peu comme si j'abandonnais ma demeure au chuinteur, bien content de trouver ici un peu de tranquillité. Au chuinteur ? Aurais-je donc une nouvelle opinion arrêtée sur l'origine du bruit ? Mais ce bruit provient bien des rigoles que creusent les petites bêtes. N'est-ce pas là mon intime conviction ? Je n'ai pas l'impression de m'en être écarté. S'il ne provient pas directement des rigoles, il en provient d'une façon ou d'une autre, indirectement. Et s'il apparaissait qu'il n'a aucun rapport avec elle, on ne peut faire a priori aucune hypothèse. Et il faut attendre qu'on en trouve peut-être un jour l'origine ou qu'elle se révèle d'elle-même. Évidemment, on pourrait continuer de jouer avec les suppositions. On pourrait dire par exemple que quelque part au loin s'est produite une arrivée d'eau très brutale et ce qui me semble être un sifflement ou un chuintement serait en réalité un murmure. Mais en dehors du fait que je n'ai aucune expérience en la matière, j'ai immédiatement détourné les eaux souterraines que j'ai trouvées à mon arrivée et dans cette terre sablonneuse, elles ne sont plus revenues. C'est bien un chuintement qu'on ne doit pas interpréter comme un murmure. Mais à quoi servent toutes ces exhortations au calme ? L'imagination est impossible à arrêter et je persiste effectivement à croire, il est inutile de se le nier à soi-même, que ce chuintement vient d'un seul animal, non pas d'une foule de petites bêtes, mais d'un seul et unique gros animal. Beaucoup de choses contredisent cette hypothèse. On entend le bruit partout et toujours avec la même intensité et de plus en permanence, aussi bien le jour que la nuit. Certes, on aurait d'abord plutôt tendance à supposer qu'il s'agit d'une foule de petites bêtes, mais comme j'aurais forcément dû les trouver lors de mes fouilles et qu'il n'en a rien été, seule subsiste l'hypothèse de la présence d'un gros animal. D'autant plus que ce qui semble démentir cette supposition ne rend pas son existence impossible, mais prouve simplement qu'il est plus dangereux que tout ce qu'on peut imaginer. C'est la seule raison pour laquelle je me suis défendu contre cette hypothèse. Je renonce à continuer de me tromper moi-même. Depuis longtemps, je joue avec l'idée que si on l'entend même à une grande distance, c'est parce qu'il travaille à toute vitesse. Il se creuse aussi vite son chemin à travers la terre qu'un promeneur progressant sans entrave. La terre tremble tout autour de son tunnel. Même une fois qu'il est passé, ce tremblement et le bruit de son travail se confondent à distance. Et moi qui n'en perçois que l'ultime écho, je l'entends partout avec la même intensité. Cité. À cela s'ajoute que l'animal ne se dirige pas vers moi, ce qui explique pourquoi le bruit est toujours le même. En fait, il a une stratégie dont je ne saisis pas le sens. Je suppose simplement que l'animal m'encercle. Je ne prétends cependant pas, le moins du monde, qu'il connaisse mon existence. Il a sans doute déjà décrit plusieurs cercles autour de mon terrier depuis que je l'observe. La nature de ce bruit, chuintement ou sifflement, me donne beaucoup à réfléchir. Ma façon à moi de gratter et de fouiller la terre fait un bruit tout à fait différent. Je ne peux m'expliquer ce chuintement qu'en supposant que le principal outil de la bête, ce ne sont pas ses griffes, dont elle cède peut-être accessoirement, mais son museau ou son groin qui sont sans doute munis de parties tranchantes. Elle enfonce probablement d'un coup violent son groin dans la terre et en arrache un gros morceau. Pendant ce temps, je n'entends rien. C'est la pause. Mais ensuite, elle aspire de l'air pour porter un nouveau coup. C'est cette aspiration de l'air qui doit faire un vacarme à ébranler le sol, non seulement à cause de la force de la bête, mais aussi du fait de sa hâte, de l'ardeur qu'elle met au travail. Et ce bruit me parvient sous forme d'un léger chuintement. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est sa capacité à travailler sans arrêt. Peut-être trouve-t-elle, pendant les pauses, l'occasion de se reposer un tout petit moment, mais elle n'a apparemment pas encore pris de véritable repos. Elle creuse nuit et jour, toujours avec la même force et la même vigueur, ne perdant pas de vue le plan qu'il lui faut exécuter au plus vite et pour lequel elle a toutes les capacités nécessaires. Je ne pouvais pas m'attendre à un tel adversaire. Mais indépendamment de ses singularités, il se produit maintenant une chose que j'aurais toujours dû redouter. Une chose contre laquelle j'aurais dû prendre des mesures. Quelqu'un approche. Comment se fait-il que pendant si longtemps les choses se soient passées si bien et si tranquillement ? Qui a dirigé les pas de mes ennemis afin de leur faire faire un grand détour pour éviter mon territoire ? Pourquoi ai-je été aussi longtemps protégé si c'est pour être maintenant plongé dans l'effroi ? Qu'étaient tous les petits dangers auxquels j'ai passé mon temps à réfléchir comparé à celui-là ? Espérais-je, en tant que propriétaire du terrier, avoir le dessus sur tout nouvel arrivant ? C'est justement parce que je possède ce grand ouvrage si fragile que je suis sans défense face à toute attaque un peu sérieuse. Le bonheur de le posséder m'a donné de mauvaises habitudes. La fragilité du terrier m'a rendu fragile. Ses blessures me font mal comme si c'était les miennes. C'est cela que j'aurais dû prévoir, ne pas penser uniquement à ma propre défense. Et même cela, avec quelle insouciance et quelle inefficacité je l'ai fait, mais à celle du terrier. Il faudrait avant tout veiller à ce que, en cas d'attaque, certaines de ces parties, le plus grand nombre possible, soient séparées des secteurs moins menacés par des éboulements réalisables en un temps record, séparées de manière si efficace et par des masses de terre si énormes que l'assaillant ne puisse soupçonner que le véritable terrier se trouve derrière. De plus, ces éboulements devraient être de nature non seulement à dissimuler le terrier, mais aussi à ensevelir l'assaillant. Je n'ai pas fait la moindre tentative dans cette direction. Rien. Absolument rien n'a été entrepris dans ce sens. J'ai été aussi insouciant qu'un gamin. J'ai passé mes années d'homme mûr en jeu puéril. Le fait même de penser au danger n'a été qu'un jeu, et j'ai omis de penser au véritable risque. Et pourtant, les avertissements n'ont pas manqué. Il est vrai qu'il ne s'est rien passé de comparable à la situation actuelle, mais il faut dire quand même qu'il y a eu quelque chose d'analogue dans les premiers temps du terrier. À l'époque, petit apprenti, je travaillais à ma première galerie. Le labyrinthe n'existait encore qu'à l'état d'ébauche. J'avais déjà creusé un petit rond-point, mais il était complètement raté dans ses dimensions et dans la réalisation des murs. Bref, tout ce que je faisais au début ne pouvait être considéré que comme un essai, comme quelque chose qu'on pouvait brusquement laisser tomber si on perdait patience. C'est alors qu'un jour, pendant une pause, dans ma vie, j'ai toujours fait trop de pauses. Tandis que je me reposais entre mes tas de terre, j'entendis soudain un bruit au loin. Jeune comme je l'étais, j'en éprouvais plus de curiosité que de crainte. J'abandonnais mon travail et me mis à tendre l'oreille. Au moins, j'écoutais. Je ne me précipitais pas en haut sous la mousse pour m'allonger et ne pas avoir à écouter ce bruit. J'écoutais. Je pouvais discerner qu'il s'agissait d'un fouissement semblable au mien, sans doute un peu plus faible. Mais il était impossible de savoir quel rôle jouait la distance en l'occurrence. J'étais sur le qui-vive, mais je restais par ailleurs d'un grand sang-froid et d'un grand calme. Je suis peut-être dans le terrier d'un autre, pensais-je. Et son propriétaire est en train de creuser pour se rapprocher de moi. Si cette supposition s'était révélée exacte, n'ayant jamais été ni conquérant ni agressif, j'aurais quitté les lieux pour aller construire ailleurs. Mais il est vrai que j'étais encore jeune et que je n'avais pas encore le terrier. Il m'était donc facile de garder mon sang-froid et mon calme. La suite de cette aventure ne me causa pas non plus d'émotions notables, mais il n'était pas facile de l'interpréter. Si celui qui creusait voulait vraiment venir vers moi parce qu'il m'avait entendu creuser, il fut impossible de savoir quand il changea de direction, ce qui fut effectivement le cas, s'il le faisait parce que l'interruption de mon travail le privait de tout repère dans sa progression, ou parce qu'il avait de lui-même changé ses projets. Mais peut-être m'étais-je complètement trompé. Peut-être ne s'était-il jamais dirigé contre moi. En tout cas, le bruit s'amplifia encore un certain temps, comme s'il se rapprochait. J'étais jeune alors, et je n'aurais peut-être pas été mécontent de voir brusquement le fouisseur surgir de la terre, mais rien de cette nature ne se produisit. À partir d'un certain moment, le bruit de fouissement commença à diminuer et devint de plus en plus faible, comme si le fouisseur déviait peu à peu de sa direction initiale, et tout d'un coup, le bruit cessa complètement, comme s'il avait brusquement décidé d'aller dans la direction opposée et s'éloignait de moi à toute allure. Pendant longtemps, je tendis l'oreille dans le silence, puis je repris mon travail. Cet avertissement avait été suffisamment clair, mais je ne tardais pas à l'oublier et il n'eut guère d'influence sur mes projets de construction. Entre cette époque et celle d'aujourd'hui, s'est écoulée ma vie d'homme mûr. Mais n'est-ce pas comme s'il n'y avait rien eu pendant cette période ? Je fais toujours de longues pauses dans mon travail pour écouter au mur, et le fouisseur a de nouveau modifié ses projets. Il a fait demi-tour. Il revient de son long voyage. Il croit m'avoir laissé suffisamment de temps pour me préparer à le recevoir. Mais de mon côté, les choses sont moins bien organisées qu'autrefois. Le grand terrier est là, sans défense. Je ne suis plus un petit apprenti, mais un vieux maître d'œuvre. Et le peu de force qu'il me reste m'abandonnera au moment de l'affrontement décisif. Mais j'ai beau être âgé, il me semble que j'aimerais l'être encore plus, devenir si vieux que je ne pourrais plus me relever de mon lieu de repos sous la mousse. Car en réalité, je ne supporte quand même pas de rester ici. Je me relève et redescends à toute allure dans ma demeure, comme si au lieu de la tranquillité, je n'avais trouvé ici que de nouveaux soucis. Où en étaient les choses la dernière fois ? Le chuintement avait diminué ? Non, il avait augmenté. J'écoute à 10 endroits choisis au hasard et me rends compte de mon erreur. Le chuintement est resté le même. Rien n'a changé. Là-bas, il n'y a pas de changement. On est calme et le temps ne compte pas. Alors qu'ici, chaque instant qui passe ébranle celui qui écoute. Et je reprends le long chemin qui mène à la forteresse. Tout ce qui m'entoure me semble en émoi, semble me regarder, puis vite détourner le regard pour ne pas me gêner, puis s'efforcer de lire sur mon visage les décisions qui sauveront la situation. Je secoue la tête. Je n'ai pris encore aucune décision. Et je ne vais pas à la forteresse pour y exécuter un quelconque projet. Je passe devant l'endroit où j'avais voulu creuser le tunnel d'exploration. Je l'examine à nouveau. C'eût été un bon endroit. Le tunnel aurait conduit dans la direction où se trouvent la plupart des petites adductions d'air, ce qui m'aurait beaucoup facilité le travail. Je n'aurais peut-être pas eu besoin de creuser très loin. Il n'aurait pas été nécessaire de creuser jusqu'à l'origine du bruit. Peut-être aurait-il suffi d'écouter au conduit d'aération. Mais nulle considération n'est assez forte pour m'encourager à faire ces travaux. Ce tunnel doit m'apporter une certitude. J'en suis à ne plus vouloir de certitude. Dans la forteresse, je choisis un beau morceau de viande rouge, dépecé, et me réfugie avec dans l'un des tas de terre. Là, au moins, le silence régnera, si tant est qu'un véritable silence puisse encore régner ici. Je lèche et mordis la viande. Je pense tantôt à la bête inconnue qui se fraye son chemin au loin. Tantôt, je me dis que je devrais profiter au mieux de mes provisions. Tant que j'en ai encore la possibilité, c'est sans doute là le seul projet que je puisse encore réaliser. Au reste, je cherche à déchiffrer les intentions de la bête. Voyage-t-elle ou travaille-t-elle à son propre terrier? Si elle voyage, il serait peut-être possible de s'entendre avec elle. Si elle se ferait vraiment un chemin jusqu'à moi, je lui donnerais quelques-unes de mes provisions et elle continuera sa route. Oui, elle continuera sa route. Dans mon tas de terre, je peux naturellement faire tous les rêves possibles et imaginables. Je peux même rêver d'une entente, bien que je sache parfaitement que cela n'existe pas, et qu'au moment où nous nous verrons, et même où nous sentirons la proximité de l'autre, en proie à la même folie, à une fin nouvelle, même si nous sommes complètement repus, nous ferons tous les deux exactement au même instant usage de nos griffes et de nos dents l'un contre l'autre. Et comme toujours, à bon droit, car quel est le voyageur qui ne modifierait pas ses projets de voyage et d'avenir en voyant mon terrier? Mais peut-être la bête creuse-t-elle dans son propre terrier. Il est alors inutile de rêver d'une entente. Même si c'était une bête tellement bizarre que son terrier puisse supporter un voisinage, mon terrier à moi n'en tolère aucun, tout au moins aucun voisinage bruyant. À vrai dire, la bête semble maintenant être très loin. Si elle s'éloignait encore un peu plus, le bruit disparaîtrait sans doute, et peut-être qu'alors tout pourrait s'arranger comme dans l'ancien temps. Ce ne serait plus qu'une expérience désagréable mais bienfaisante qui m'inciterait à faire toutes sortes d'améliorations. Quand je suis tranquille et non tourmenté par un danger immédiat, je suis encore capable d'accomplir de grandes choses. Peut-être la bête, vu les énormes possibilités que semble lui offrir sa puissance de travail, renoncera-t-elle à étendre son terrier dans la direction du mien et trouvera-t-elle ailleurs un dédommagement? Cela non plus ne peut être obtenu par des négociations, mais par le bon sens de la bête ou par une contrainte que je pourrais exercer. Dans les deux cas, il sera décisif de savoir si la bête connaît mon existence et ce qu'elle en connaît. Plus j'y réfléchis, moins il me semble vraisemblable qu'elle m'ait entendu. Il est possible, même si je n'arrive pas à l'imaginer, qu'elle ait eu des informations sur moi. Mais elle ne m'a sans doute pas entendu. Tant que je ne savais rien d'elle, elle ne peut absolument pas m'avoir entendu car je restais silencieux. Il n'y a rien de plus silencieux que le retrouvaille avec le terrier. Ensuite, quand j'ai fait mes sondages, elle aurait pu m'entendre bien que ma façon de creuser fasse très peu de bruit. Mais si elle m'avait entendu, je m'en serais forcément aperçu. Car elle aurait dû s'arrêter souvent dans son travail pour tendre l'oreille. Mais rien n'avait changé. C'était Le Terrier de Franz Kafka. Traduit de l'allemand par Dominique Mirmont. Avec Denis Lavant. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Sébastien Labarre.